Le 23 septembre, l'agence de presse Ria Novosti, le journal Moskovski Komsomolets, la LNTV, la télévision Zvezda et autres médias russes, l'agence de presse Shinvel, les agences de presse Gyodo et Juji du Japon ont rapporté la déclaration du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, publiée sous le titre « Nous briserons sans merci par les frappes de représailles militaires de la justice, la provocation insensée des États-Unis et des fantoches sud-coréens ». ».